Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 7, du samedi 6 octobre 1883. Page 1, colonne 2. Nouvelle locale. On parle d'établir un grand café sur la place du marché. Le corps de musique, appelé Victoria Band, est réorganisé. Lundi matin, nous avons reçu la visite de M. le Dr. F. Fréjeau, MPP, pour le comté de Sheffield. Dans le courant du mois prochain, deux familles de cultivateurs français viendront s'établir dans les environs de Sherbrooke. Monsieur l'abbé Choquette, avant son départ pour la cure de Compton, a reçu une bourse contenant 62,60 $ de la part des dames de notre ville. Le nouvel hôtel des postes et des douanes sera orné d'une horloge publique. On dit qu'elle aura trois faces et sera placée au coin sud-est du bâtiment. Un grand nombre de personnes passent leur après-midi depuis quelques jours à regarder les travaux faits par la Compagnie des Terres à l'écluse du Magog, près de la manufacture Payton. Le plongeur et ses appareils sont en effet très intéressants. La maison Livingston et Malone, épicier de notre ville, est en déconfiture. Elle a fait une cession de biens à M. J.P. Royer pour le bénéfice de ses créanciers. M. J.H. Gendron, négociant de Sherbrooke, a transporté ses pénates dans Sherbrooke-Est. Il a acheté, pour la somme de 3 800 $, l'ancienne propriété Walker. Monsieur Chicoine, homme pratique et écrivain correct, dit le pionnier, intéressera les lecteurs de ce journal par des correspondances expédiées d'Europe. Grand bien face à tous. Monsieur et Madame Andrew Payton sont de retour à Sherbrooke. Mademoiselle J.C. Payton et son frère restent en Angleterre. Celui-ci suivra le traitement d'un médecin célèbre jusqu'au complet rétablissement de sa santé délabrée. Un petit changement dans le service de la poste. Pendant tout le temps qu'ont duré les trains d'excursion de Montréal à Portland, les journaux de Montréal arrivaient à Sherbrooke à 11 h de la matinée. Désormais, ils n'arriveront plus que dans l'après-midi. On peut remarquer, à la vitrine de M. L.E. Dupont, tailleur, rue Wellington, le beau diplôme reçu par M. le professeur B. Lalime au Business College de Montréal. Avec un pareil témoignage, on peut affronter toutes les critiques malveillantes ou ignorantes et s'attendre à voir bientôt les classes se remplir d'élèves. Quelques immigrants belges sont arrivés samedi, le 29 septembre dernier, dans la nuit. Ils ont été reçus par M. le lieutenant-colonel E. Batson, qui les hébergea dans la maison des immigrants. Ces braves gens ne parlent que le flamand. Leur compatriote, qui dirige ici l'immigration flamande, les a conduits sur la ligne du Mégantic dans les chantiers de Messieurs Gordon. Depuis le 1er septembre dernier, le pain de ces livres se vend 18 cents l'un chez Fletcher. C'est une réduction de 2 cents sur le prix établi ici depuis longtemps. Personne ne se plaint de cela, mais ceux qui avaient acheté des bons d'avance à 20 cents ont droit de se plaindre. Plus de crédit dans la même maison, ainsi que chez Markill et fils. C'est une excellente réforme dans le commerce, un pas dans la bonne direction. Plusieurs changements de propriété à enregistrer cette semaine. M. Francis Elwood a vendu à M. G.H. Le Baron un lot sur la rue Moore pour la somme de 900 $ comptant. M. John Molden a cédé à M. A.F. Nelson un demi-lot dans le quartier sud pour 200 $. L'Association de sécurité des héritages a vendu à M. John Edwards un lot dans le quartier centre pour la somme de 2 700 $ comptant. M. J.A. Cameron a acheté le quart nord du 9e lot dans le 4e rang d'Offord appartenant à M. Jean Breton. À l'occasion de la fête de Saint-Michel, patron de la paroisse et du diocèse de Sherbrooke, rien n'était beau comme de voir, dimanche dernier à la grand-messe, nos seigneurs Antoine et Dominique Racine. Monseigneur l'évêque de Chicoutimi a officié, ayant pour assistant M. le grand vicaire Dufresne. Pour diacre d'honneur, M. l'abbé Pierre Girard. Sous diacre d'honneur, M. l'abbé Chalifou. Le diacre et sous-diacre d'office étaient M. l'abbé P. Mathieu et M. l'abbé W. Morache, notre nouveau vicaire, nommé en remplacement de M. l'abbé Choquet. M. l'abbé Lefebvre, professeur de philosophie, a fait deux beaux sermons dans l'une et l'autre langue. M. le grand vicaire a parlé d'une circulaire adressée par le Saint-Père à l'univers catholique et recommandant la solennité du Saint-Rosaire et les récitations du chapelet tous les jours du mois d'octobre. Chaque soir à 6h30, il y aura salut et prière à la cathédrale. À Vêpres, M. l'abbé P. Mathieu, professeur de théologie au Grand Séminaire, a prêché sur le vice de l'impureté. Voici les changements ecclésiastiques opérés par Mgr l'évêque de Sherbrooke. M. l'abbé Aix-Gendron, vicaire de Saint-Venant, Hereford, a été nommé curé de Saint-Malo d'Auckland. M. J.E.E. Choquette, vicaire à la cathédrale de Sherbrooke, a été nommé curé de Saint-Thomas, Compton. M. l'abbé Godin, prêtre récemment ordonné, a été nommé curé de Saint-Cajetan de Munsonville. M. l'abbé Joseph Bachan, vicaire de Saint-Dominique, diocèse de Saint-Hyacinthe, a été nommé curé de Saint-Joseph de Lamsud. M. l'abbé Pierre Mathieu, curé de Saint-Cajetan, a été nommé professeur de théologie et directeur du Grand Séminaire. M. l'abbé E.M. Hamelin a été nommé vicaire à Saint-Hippolyte de Wharton. M. l'abbé J.D. Belleuvre, vicaire à Saint-Hippolyte, a été nommé vicaire de Saint-Jérôme de Piopolis. M. l'abbé E.A. Gagnon, du diocèse de Chicoutimi, a été nommé vicaire de Saint-Edmond de Quaticook. M. l'abbé W. Morache, du diocèse de Montréal, a été nommé vicaire de la cathédrale en remplacement de M. l'abbé Choquette. Lundi soir, son honneur, le juge Brooks, a invité à dîner chez lui les membres du barreau du district de Saint-François. Une trentaine d'avocats avaient répondu à cette gracieuse invitation. Monsieur le juge Plamondon, l'hôte de son aimable collègue, se trouvait aussi de la partie. La soirée s'est passée de la manière la plus agréable possible. Musique, chant, charmant petit discours par les deux juges, etc. Madame Brooks a reçu les invités avec cette grâce et cette amabilité qui la distingue à un si haut degré. Cette réunion ne pourra que rendre de plus en plus agréables les rapports qui existent ici entre notre juge et les avocats. Espérons que cette réunion sera suivie d'autres du même genre. La semaine dernière, les frères Taylor, magiciens et prestidigitateurs, arrivaient dans nos murs pour donner quelques représentations. Les deux épouses, les deux sœurs, furent enchantées de voir leur père et mère, M. et Mme Garrot, autrefois de Sherbrooke et habitant alors une ferme près d'Ascot. La représentation de mercredi dernier fut brillante à tous les points de vue. Après la séance, M. et Mme Garrot, contents d'avoir vu leur fille et leur gendre, parlèrent de se retourner chez eux, mais, comme la nuit était noire, on leur persuada de rester à l'hôtel Magog. Ils prirent donc possession de la chambre numéro 4. Le lendemain, Mesdames Taylor allèrent souhaiter le bonjour à leurs parents. Elles frappèrent à la porte et, ne recevant aucune réponse, appelèrent un employé de l'hôtel. Après plusieurs coups réitérés, la porte fut enfoncée et l'on trouva M. Garrot dans son lit, mais ne donnant plus signe de vie. Mme Garrot était étendue sur le plancher et dans le même état. Une odeur de gaz insupportable fit de suite connaître la cause de cet accident. Était-ce une fuite ou les bonnes gens avaient-ils soufflé sur le robinet pour éteindre la lumière? C'est ce que l'on ne sut pas d'abord au juste. Madame Garot, ayant eu conscience de son malaise, aura essayé de se lever pour ouvrir la fenêtre. Le docteur Worthington fut appelé et prodigua ses soins. Pendant quelques jours, on désespéra de ramener à la vie l'infortuné couple. Enfin, vendredi matin, Madame Garot reprit connaissance, mais son mari resta pour toujours dans son sommeil. Son enterrement eut lieu lundi, à 9h du matin, au milieu d'un grand concours de parents et d'amis. Lundi de la semaine dernière à Waterloo, le soldat Rufus Kimpton a été traduit devant E. Wells, juge de paix, par le lieutenant-colonel Cox, sous prévention de s'être absenté de l'exercice militaire sans permission. On sait que, d'après la loi, la pénalité est de 5 $ pour chaque infraction. L'accusé aurait donc pu être condamné à 60 $ d'amende pour les 12 jours, plus les frais. Mais à la demande du commandant, qui a bien voulu se montrer bon prince, le soldat n'a été condamné qu'à 5 $ d'amende et aux dépens. Avis aux soldats récalcitrants. À propos de volontaires, le Mail, organe de Sir John A. Macdonald, à Toronto, demande le rappel du major général Luard, commandant en chef de la milice native du Canada, à cause de la manière brutale dont il vient de traiter certains officiers à Cobourg, Ontario. On sait que ce général est loin d'être en odeur de sainteté parmi les volontaires et les journalistes du pays. Il n'est point venu à Sherbrooke pour l'inspection. Il a aussi bien fait. C'est un homme capable, mais on le dit brutal en diable. Ça peut aller dans les Indes, au sein de l'armée régulière, mais ça ne passe pas parmi les volontaires du Canada. Pourquoi n'aurions-nous pas un commandant canadien? Espérons que le ministre de la milice, M. Caron, prendra cette suggestion en sérieuse considération. Le Canada peut se suffire à lui-même, même quant à petite armée nationale. Le Waterloo Advertiser nous apprend que Sherbrooke va être bientôt doté d'un club de patins à roulettes. Il ajoute « Nous vivons réellement dans un âge de progrès prodigieux. » La même feuille dit qu'à en juger par les articles de l'Examiner de notre ville à propos de la jeune femme Colt, il y a tout lieu de croire qu'elle sera trouvée coupable. Les articles de notre voisin ont été écrits, évidemment, dans le but d'apaiser l'excitation et d'empêcher les gens de se former une opinion arrêtée d'avance. Dans les circonstances, il ne faut pas en vouloir à la feuille en question. La tâche de l'accusé pour établir son innocence est immense et nul doute que l'esprit public est fortement prévenu contre elle. Soyons calmes et attendons.